75, poste 201 ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, pour notre première demi-heure, on a deux belles nouveautés. En tout premier lieu, le premier disque solo de Alessandro Corvaglia, qui a pour titre Out of the Gate. Pour ceux qui ne connaissent pas Alessandro, ben, c'est le chanteur de la Maschera di Cera, de Delirium. Et il a aussi contribué à plusieurs autres projets italiens, dont Il Giardino Onirico. Bref, à mon avis, un des grands chanteurs italiens. Et puis, c'est son premier disque, et s'est assuré les services de plusieurs amis, dont Martin Grace au saxophone, à la batterie Andrea Orlando de La Conscienza di Zeno, à la guitare Marcella Arganis, et aussi à la guitare acoustique, un pionnier du folk british, Gordon Gildrap. Belle liste d'invités, finalement. Et puis, ben, on aura aussi une nouveauté suédoise, et je pense, Marc, que ça va faire notre plaisir encore, tout à fait, à tous les deux, deux belles nouveautés. Oui, c'est la formation Agusa, que j'aime beaucoup, en effet, et c'est un extrait de leur nouvel album En Annan Vold, qui signifie « Un autre monde ». L'album est paru hier, donc officiellement le 10 septembre. Il est composé de deux longues pièces. On aura donc une de ces pièces. Je vais m'abstenir de tenter de vous le prononcer puisque c'est évidemment un titre en suédois, mais en français, la signification est « Révélation ». Ce sera précédé, comme Michel vous l'annonçait, de la nouveauté italienne du chanteur Alessandro Corvaglia. You only kill angels. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet, et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Ici Jessie Caleb, directrice de la programmation. Ce lundi 13 septembre, dès 15h30, CKRL lance sa programmation d'automne-hiver-printemps 2021-2022. Découvrez les animateurs et les animatrices de vos magazines culturels et émissions musicales qui vous accompagneront dans ces 9 prochains mois. C'est un rendez-vous. Samedi soir de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Cette fois, on y va avec une nouveauté qui nous vient un peu, je vous dirais, du côté plus rock, avec un vétéran, et tout un vétéran, Carmine Appice, de Vanilla Fudge, Cactus, King Cobra. Un vieux de la vieille, comme on dit. Et puis, c'est un disque avec Fernando Perdomo, le guitariste et multi-instrumentiste, en fait, Fernando Perdomo, qui a joué avec une multitude de personnes, et puis qui fait partie aussi du Dave Kersner Band, un des musiciens de Sound of Contact. Il est aussi réalisateur et compositeur. Bref, un musicien qui, malgré son jeune âge, bon, on parle de 42 ans, a une feuille de route assez impressionnante. Et puis, donc, un premier album qui paraît une collaboration donc, entre les deux musiciens, qui a pour titre Energy Overload. Ça va être lancé le 24 septembre. Ce sera suivi de Anlen's Razor, formation néerlandaise, qui a profité du confinement pour concrétiser des maquettes enregistrées depuis plusieurs années. Et ça paraît sous le titre de Paradigm. Et puis Marc, je pense qu'après ça, on va aller faire un petit tour du côté de l'Espagne. En effet, on a la formation Planets and the Water, qui ont fait paraître au mois de mai leur album Not Ending. On aura une pièce, donc, Jupiter and Amaltea, de cet album. On a également la formation Viriditas, qui vont faire paraître le 19 septembre prochain leur second album intitulé Green Mars. Alors, on aura un extrait de cet album, la pièce Nergal. Mais tout d'abord, comme tu l'annonçais, Carmine Appice et Fernando Perdomo et également Anlen's Razor. Bonsoir, it's Frank of Hanlon's Razor. You're presently listening to Terra Incognita, and here's a track from our new album, Paradigm. Amusez-vous! Same as a question of integrity. Don't

Vous écoutez présentement l'émission Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. I hitch on the road to anywhere I can decide. Fear not this freedom. Coyote led me out and gave me wings. as our very lives depend upon. Under cover of the stars, striking out at the self-appointed masters of our lives. CKRL 89.1. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet, et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour pour la troisième demi-heure de l'émission avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. On ira donc en musique avec deux formations italiennes et deux formations américaines. On a d'abord la formation Is, qui est une de mes formations américaines préférées, contemporaines. Un extrait de Everlasting Instant, paru en 2015. On aura la pièce Own the Mystery. Également, de l'Italie, la formation Mad Fellas, tirée de Mad Fellas 2, paru en 2016. On aura la pièce Muslim Sabbath. Ça avait été un gros coup de cœur pour moi, en 2016. Et également, on aura la formation italienne Il Forno di Marmo, avec un extrait d'une pièce de Aikara, qu'ils ont réalisé pour l'album concept Tuonan Titar 2, paru en 2009. Un hommage au rock progressif finlandais des années 70. Ils reprennent donc la pièce Gloria Deo. Mais tout d'abord, Michel, l'excellente formation américaine Fido. Oui, en effet, un groupe qu'on a eu le grand plaisir de recevoir, pas à une, mais à deux occasions, vraiment chanceux, dans le cadre du festival Terra Incognita. Et le moins que je puisse dire, c'est que c'était deux prestations tout à fait magiques, de très, très, très beaux souvenirs de Terra Incognita. Et on écoute à l'instant Fido. File and sleepwalk, sleep. sleepwalk nightly. So all the dreaming people arriving in their line, whilst he remains in hiding, all in good time. High above the eagle flies, drones are watching from the skies, they supervise. They supervise. So am I being ominous, or don't you think they notice us just pieces in their game? But she's out there wailing. Beware the sunrise when all. Expect the solution, there's nothing. Nothing to fear the great inquisitor, that never welcome visitor, who brings us pain with no attack. Looking through two vacant eyes, it's sure to come as no surprise. You try to get away, it wants you back. Down undercover, where all good secrets go, we'll wait in the corner, in faith the truth will show. Been fertile, but we were deceived. Nothing is broken and everything clears. We're all here together, together. scares me. I've been left to know how to understand, and I'm aware of responsibilities. If you own the mystery, yes, I own the mystery. Thank you. CKRL, communication, culture. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour la dernière demi-heure de l'émission, on ira avec la formation américaine K-Square, K à la 2, tiré de leur album Book of the Dead, un excellent album qui a été paru en 2004 et qui a été écrit et réalisé par Ken Jacques et sur lequel apparaissait l'excellent chanteur Sean Guérin. Entre autres, il y avait également Alan Oldsworth à la guitare. Et je me souviens, quand la première année, on faisait notre émission, on avait adoré cet album-là. C'était une superbe nouveauté. Et encore aujourd'hui, cette excellente pièce, Infinite Voyage, avec laquelle on va débuter ce bloc, toujours vraiment excellente aujourd'hui. Michel? Tout à fait d'accord avec toi, Marc. Moi, c'est drôle, mais c'est nostalgique, là. Ce choix de pièce-là, ça nous ramène au début. Et puis... Vraiment, le disque n'a pas pris une ride. Et d'ailleurs, il y a aussi, au sein du groupe, il y avait aussi Ryo Okumoto là, de Spock's Beard. C'était quand même une belle réunion de musiciens. Et puis, je dois dire qu'Alan Oldsworth, sur ce disque, m'impressionne. Il est vraiment, mais vraiment bon. Et puis, ben, là, Sean Guérin, écoute, quelle perte pour le monde du rock progressif. Ce chanteur-là... était capable de faire passer une gamme d'émotions, vraiment un excellent chanteur. Et puis ben c'est ça, ben, on en parle, puis là ben ça me donne encore plus le goût d'en écouter. C'est qu'on y va avec Key Square ou K2, le Book of the Dead. Yeah.

poetic spells ensure the passage, sacred crypt and grace belie the rites, tortured souls, an ancient journey with no trace. Take your head, collect your bones, shake the earth from your flesh. The gatekeeper comes, but wants for you from beyond the book of the dead. Immortals in the afterlife, beneath the sands of time, sands of time. Towers across the valley, Elkhorn rises from the sand. The shadows of form and ray to pass, a breath of the north wind. The storm magnetic as seasons move, a silver rises to the east. Distant stars, the astral breath, again to be seen. They move across so high, a frozen path of images, nearer to the mountains. Voices from the hollowed ground, the windows cast upon them. As doubt became a memory, the weakest hands that form the words, unfinished tales within the theater. Souls are Ce soir, on vous laisse avec un extrait de l'album Lasting Weep 1969-1971. C'est un peu le précurseur, et pas mal le précurseur de Manège. Et le son me ramène pas mal au début de Jethro Tull à la fin des années 60. C'est déjà tout, donc je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants. Et bonne nuit à l'écoute de CKRL. Salut, c'est Sébastien Lacombe. Écoutez mon nouvel album Fly en diffusion à CKRL 89.1 Québec. I was born to fly. I was born to fly. Away. Someday. Like the birds when come the winter winds. Oh, the winter winds. la vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Ici Jessica Lett, directrice de la programmation. Ce lundi 13 septembre, dès 15h30, CKRL lance sa programmation d'automne-hiver-printemps 2021-2022. Découvrez les animateurs et les animatrices de vos magazines culturels et émissions musicales qui vous accompagneront dans ces 9 prochains mois. C'est un rendez-vous. Allô, Yves Landry. Très heureux d'être ici, c'est-à-dire à CKRL, à laquelle je vous confie, entre autres, le samedi, de 5h à 6h, j'aurai l'occasion d'animer l'intemporel. On va parler d'hier, on va parler peut-être même de demain, mais surtout que on sera toujours intemporel dans le moment présent, pour s'amuser et d'abord et avant tout, se divertir. L'intemporel à CKRL, c'est merveilleux. L'intemporel, une présentation de Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex, Clinique Médicale Lacroix et XPN Canada. Envie de vivre une promenade artistique mystère à Québec? CKRL vous invite à la Promenade des Arts les 18, 19, 25 et 26 septembre. Laissez-vous guider par 4 animateurs et animatrices de CKRL dans 4 lieux mystères où des performances d'artistes vous surprendront. La seule chose que vous connaîtrez, votre point de rendez-vous et d'arrivée, CKRL au 405 3e Avenue. Réservez votre billet gratuit sur ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. Masque et passeport vaccinal obligatoire pour participer à l'événement. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel.